بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فهذا مجلسنا العاشر في دراسة كتاب العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ومتع به وأدام حياته في طاعة الله وفي الدفاع عن منهج السلف رضوان الله عليه. سندخل ديزيام كور autour du livre son éminence Cheikh Rabi حفظه الله تعالى la méthodologie de la da'wa du prophète عليه الصلاة والسلام. Qui est un livre de son éminence, Cheikh Rabi, Habdallah Ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et allonge sa vie dans l'obéissance à Allah et dans la défense de cette voie qui est la voie de ne plus être d'Allah. Wa ma'al fasl al-thalit, anwana lahu al-shaykh bi tawhid al-uluhiyyati wa ahammiyyati. Et avec le troisième chapitre dans ce livre, dont le titre le monothéisme de l'adoration et son importance. فالشيخ حفظه الله تعالى بعد أن بينا أن دعوة الأنبياء ترتكز على ثلاث أركان: التوحيد، النبوات، والمعاد، وأن أهم هذه الأركان هو التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. وبين حفظه الله من كلام أهل العلم أن القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره. دونك فرير الله عز وجل دون لي شابيتر بريسيدون الشيخ حفظه الله تعالى nous a montré que la da'wa des prophètes se base sur trois piliers principaux. Ils appellent vers le monothéisme, ils se basent sur le monothéisme, sur la prophétie et sur les croyances en l'au-delà et en la résurrection et tout ce qui y a rapport avec la résurrection. Et que la plus importante des piliers parmi tous ces trois piliers sur lesquels est basée la da'wa des prophètes, c'est le monothéisme de l'adoration. C'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Hafidhahullah ta'ala nous a montré que, en citant la parole des hommes de science, que le Coran tourne tout en entier, du début jusqu'à la fin, tourne autour du sujet principal qui est le monothéisme, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huna fi hadha al-fasl يخصص الشيخ ربيع حفظه الله تعالى توحيد الألوهية لأنه هو الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. وتوحيد الألوهية هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن لا يعبد إلا الله، وكل رسول قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن لو chapitre que nous allons étudier aujourd'hui, Cheikh l'a réservé exclusivement au monothéisme de l'adoration. Car ce monothéisme, qui est le monothéisme de Tawhid al-Uluhiyya, qui est le monothéisme qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avec ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé tous les messagers. Et c'est pour ce monothéisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les messagers et il a descendu les livres aussi. Et le monothéisme de l'adoration, c'est ce que veut dire la ilaha illallah, il est digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on doit s'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout prophète qui est arrivé, il a dit à son peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Fa tawhid al-uluhiyya huwa alladhi hasalat fihi al-muwajaha bayna ar-rusul wa aqwamihim. Wa indama taqra'u al-Qur'an tara anna kull al-anbiya qalu liqawmihim liqawmihim ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayruh. كلهم يرددون هذا الكلام بدون استثناء. Enfin, Allah Azza wa Jalla, le monothéisme de l'adoration sur laquelle attire chaque récit notre attention est très important. Car c'est pour ce monothéisme qu'il y a eu les problèmes entre eux, les prophètes et leur peuple. Et quand tu lis le Coran, tu vois que la bataille qu'il y a eu entre eux, les prophètes et leur peuple, il a été pour le fait contre leurs prophètes. On leur a dit, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Et tous les messagers ont répété cette phrase, sans exception. Tous, ils ont basé sur leur da'wa, sur cette phrase, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. وكلكم يعلم أيها الإخوة أن التوحيد قسمه أهل العلم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام كذلك ولا ينقسم إلى أربعة تنبهوا لهذا أيها الإخوة لا ينقسم التوحيد إلى أربعة أقسام بزيادة توحيد الحاكمية أما توحيده إلى أربعة أقسام بزيادة توحيد المتابعة فقال به بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ولولا الحزبيون لطبع كتاب القول المفيد على أدلة التوحيد للشيخ الوصابي اليمني وفيه قسم حفظه الله تعالى التوحيد إلى أربعة أقسام بزيادة توحيد المتابعة أما توحيد الحاكمية فهو داخل في توحيد الألوهية فهو داخل في توحيد الألوهية وأما أهل العلم الذين يمنعون الزيادة على ثلاثة أقسام في التوحيد فمن باب سد الذرائع للزيادات الغير مقبولة كتوحيد الحاكمية فهو الله عز وجل tous vous savez que les hommes de science ont partagé le monothéisme en deux et une autre division en trois et ces deux divisions différentes en deux et en trois sont avenantes hein? Mais il n'est pas permis de diviser le monothéisme en quatre, en rajoutant ce qu'on appelle le monothéisme d'Al-Hakimiyya, le monothéisme du jugement. Le fait de le diviser en quatre, en rajoutant le monothéisme de la Hakimiyya, est non avenant. Mais, certains noms de sciences l'ont divisé en quatre, en rajoutant le monothéisme du suivi, le suivi du prophète alayhi salatu wasalam. Et ceci, il a été rapporté par certains noms de sciences parmi les anciens, parmi Salaf Abdullah Alim et parmi les contemporains aussi. Et si ce n'est pas les Hizbi, le livre de Cheikh al-Wassabi du Yémen, Hamdallah Ta'ala, aurait été édité hein, par Cheikh Ibn Baz, Hamdallah Ta'ala. Cheikh Ibn Baz a donné l'ordre de l'éditer hein, en payant lui-même pour qu'il soit édité à un grand nombre pour que s'il doit distribuer pour les pèlerins. Mais les Hizbi ont retardé ce progrès jusqu'à la mort du Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Et dans ce livre de Cheikh al-Wassari, qui a été lu à Cheikh Ibn Baz, et qui a été lu par Cheikh Mokbil, par d'autres hommes de science, Cheikh al-Wassari, il divise le monothéisme en quatre en rajoutant le monothéisme du suivi, en ramenant des preuves dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais contre au monothéisme de l'Hakimiyya, celui-ci il rentre dans le monothéisme de l'adoration. Et les hommes de science, parmi les contemporains, comme Cheikh Fawzan et d'autres, qui interdisent le fait de diviser le monothéisme en quatre et de tout simplement se limiter à trois, c'est pour fermer les portes à ces rajouts qui ne sont pas acceptés comme le rajout du monothéisme de l'Hakimiyya. فعلى أين أيها الإخوة فالذي عليه أهل العلم هو أن التوحيد إما توحيد خبري علمي وهو الذي يتعلق بمعرفة الله عز وجل والتوحيد الإرادي الطلبي القصدي وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعلى التقسيم إلى ثلاثة أقسام فالعلم الخبري ينقسم إلى قسمين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء الصفات والأسماء والصفات ويأتي بعده أهم توحيد وهو توحيد الألوهية. De toute façon, frère Allah Azza wa Jalla, la voie sur laquelle sont les hommes de science, c'est que le monothéisme est divisé en deux. Le tawhid scientifique, c'est-à-dire le tawhid qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a rapport avec le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et dedans rentre la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le tawhid demandé et le tawhid qui est le but. Et le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est partant de la division du tawhid en deux. Mais en le divisant en trois, Le tawhid, dit tawhid annonce et science, est divisé en deux, à savoir le tawhid du monothéisme, des noms et des attributs, le monothéisme de la souveraineté. On nous rajoute le tawhid le plus important qui est le tawhid de l'adoration, où on arrive à trois parties du monothéisme, hein, sur la, que vous connaissez tous. يقول الشيخ حفظه الله تعالى في هذا الفصل وسوف أتناول توحيد الألوهية لسببين. Il dit حفظه الله تعالى au début de ce chapitre et je vais traiter le monothéisme de l'adoration pour deux causes. Écoutez bien, ces deux causes sont très importantes. أولا يقول حفظه الله أنه الجانب الأهم من دعوات الرسل الذي عرضه علينا القرآن وإلى أنه موضوع الصراع الدائر بينهم وبين خصومهم من المستكبرين والمعاندين من كل الأمم ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم ولعله يستمر إلى يوم القيامة ابتلاء واختبارا لوردة الرسل ورفعا لمنزلتهم. C'est la première cause pour laquelle Cher il traite ce sujet, c'est le côté le plus important dans la da'wah des messagers alayhi salatu wassalam. Cette da'wah qui nous a été exposée par le Coran, et parce que ce monothéisme, c'est le sujet de la bataille entre les prophètes et leurs et ceux qui se sont entêtés, qui n'ont pas voulu répondre à l'appel des prophètes parmi leur peuple. Et ce combat continue toujours sur ce sujet principal qui est le monothéisme de l'adoration. Et peut-être que dit Cheikh Abdallah, il va rester ainsi jusqu'à là, au jour de la résurrection, pour, comme épreuve pour les héritiers du prophète alayhi salatu salam et pour les élever en degré. Donc ceci est un point très important. Pourquoi d'abord, premièrement, pourquoi le premier point pour lequel Cheikh Rabi a donné l'importance à ce sujet. Le deuxième point, أن أخطر وأشد وأصعب انحراف مني به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الجانب في أكثر جهال المسلمين وفي كثير من المثقفين والمنتسبين إلى العلم منهم. Il dit, Abdallah Ta'ala, et ceci est très important, et que le plus dangereux, et le plus grave, et la plus grave des déviances qui a traversé les musulmans à l'est de la terre et à l'ouest de la terre concerne ce sujet, le monothéisme de l'adoration. Donc, la majorité des ignorants parmi les musulmans ont du lacune dans ce monothéisme. Et une grande partie aussi des intellectuels de cette communauté ont des grandes lacunes dans ce sujet. Et même, dit Cheikh Abdallah Ta'ala, même certains qui font partie de la science ont des lacunes dans ce sujet-là. Ce sont deux points essentiels pour lesquels Cheikh Abdallah Ta'ala il traite ce sujet, il lui donne de l'importance. فيقول حفظه الله فلنبدأ بعرض دعوات الأنبياء بصفة عامة ثم نعرض دعوات بعضهم بصفة خاصة. وهذا بداية في عرض دعوة الأنبياء عامة قبل أن يتطرق إليها الشيخ بالتفصيل. يلتي حفظه الله تعالى je vais commencer à traiter les da'awat du prophète d'une façon générale avant de le faire en détail et en particulier. Ça c'est ce passage là va concerner Cheikh, il va traiter la voie dans la da'awat du prophète en général avant de la traiter en particulier. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Il cite حفظه الله تعالى un verset ici dans sourate An-Nahl verset 36 où il est dit dans cette traduction approximative: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Le messager a dit son peuple, adorez Allah et évitez d'adorer Tarot. Tarot, c'est tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fait partie de ces communautés des gens que Allah, subhanahu wa ta'ala, a guidés et d'autres ont mérité l'égarement. Et il est dit dans le verset, marchez sur terre pour voir ce qui est arrivé à ceux qui ont démonté les messagers, alayhi salatu wassalam. كذلك أتى الشيخ بآية أخرى من سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et aussi, le Cheikh a cité un autre verset dans Sourate Al-Anbiya: chaque fois que nous avons envoyé un messager avant toi, nous lui avons révélé, il n'est digne d'être adoré qu'Allah, adorez-moi, c'est-à-dire adorez Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi a dit, après avoir cité l'histoire de beaucoup de prophètes alayhi salatu wassalam, dans Sourate Al-Anbiya verset 92, il a dit: ça c'est votre communauté, il est unique, c'est une communauté unique et je suis votre souverain, adorez-moi. Et il dit: wa qala ta'ala ya ayyuha ar-rusul kulu min at-tayyibati wa'lamu wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Il dit dans notre verset dans Sourate Al-Mu'minun: ô prophète, mangez des bonnes choses et faites des bonnes œuvres, car je sais ce que vous faites. Et ça, c'est votre communauté, elle est unique, et je suis votre souverain, préservez mes droits. يقول قال الحافظ ابن كثير فيما ذكر الشيخ هنا: قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة يقول دينكم واحد. Donc الشيخ ربيع حفظه الله تعالى nous a cité les paroles d'Ibn Kathir رحمة الله عليه. Il dit dans son exégète que Mujahid ainsi que Saïd ibn Jubayr ainsi que Qatada ainsi que Abd al-Rahman ibn Zayd ibn Aslam, en ce qui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est votre communauté, il est unique, ça veut dire ça c'est votre religion unique. C'est la seule religion que vous avez. C'est l'unique religion que vous avez. فأنتم سمعتم أيها الإخوة أن الشيخ ركز على توحيد الألوهية لأنه موقع يعرض الصراع بين الرسل وأقوامهم، وما تكلم الرسل في توحيد الربوبية إلا ليلزموا أقوامهم بموضع الخلاف الذي هو توحيد الألوهية. من الله عز وجل vous avez entendu. الشيخ ربيع insiste sur le monothéisme de l'adoration car c'est le point de litige entre eux, les prophètes عليهم الصلاة والسلام et leur peuple. Et aucun messager n'a parlé du monothéisme de la souveraineté. Et quand les messagers alayhi salatu wassalam parlent du monothéisme de la souveraineté, c'est pour obliger leur peuple à adorer Allah et à réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour les ramener au point de divergence qu'il y a entre les messagers et leur peuple, qui est le monothéisme de l'adoration et le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. خذ الإسلام ما كان الرسل يقولون الله خالقكم الله رازقكم ويسكتون. فهذه طريقة الجهلة بمنهج الأنبياء. الله خلقنا الله رزقنا نعم، وتسمعهم يقولون البقرة تعطيها الحشيش وسبحان الله تعطيك الحليب وماذا بعد. فهذا ليس بمنهج الأنبياء في شيء. فالأنبياء كانوا يذكرون ربوبية الله لإلزام العباد بعبادة رب العباد وحده لا شريك له. Donc, frère Allah Azza wa Jal, les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala ne disaient pas tout simplement à leur peuple: Allah c'est votre créateur, Allah c'est lui qui vous donne la subsistance et il se tait. Non, frère Allah Azza wa Jal, ça c'est la voie des ignorants. Ça c'est la voie des ignorants. Et ça ne fait pas partie de la voie des prophètes alayhi salatu wassalam. Allah nous a créés, Allah nous donne la subsistance, si tu les entends, Allah nous a créés, Allah nous donne la subsistance. Et après, tu les entends, la vache, tu lui donnes de l'herbe, il te donne du lait, subhanallah. Et après, est-ce que ça c'est la voie des prophètes alayhi salatu wassalam? C'est comme ça qu'ils ont fait dawa? Non, frère Allah Azza wa Jal. Les prophètes d'Allah Azza wa Jal, quand ils parlent de la souveraineté d'Allah, c'est pour obliger les gens à adorer Allah et pour que les gens, pour ordonner aux gens de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. منهج الأنبياء أيها الإخوة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فيذكر الذي خلق حتى يؤمر بعبادته، يذكر أنه يرزق حتى يفرض بالعبادة، يذكر توحيد الربوبية لإلزام المخالف بتوحيد الألوهية. Donc la voix du prophète عليه الصلاة والسلام, comme il est cité dans le Coran, où Jean adorez votre souverain qui vous a créé, il parle, il cite le monothéisme de la souveraineté, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné pour, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, pour donner aux gens d'adorer Allah et de lui réserver le culte exclusivement. Il parle comme quoi ils évoquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la subsistance, mais pour ordonner aux gens de lui réserver le culte exclusivement. Chaque fois qu'il parle du monothéisme, de la souveraineté, c'est pour obliger ceux qui sont en divergence et qui ne réservent pas le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur attirer leur attention. Puisque vous savez et vous reconnaissez que Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé et vous donne la subsistance, il faut lui réserver le culte. فدعوات الأنبياء كانت تركز على توحيد الألوهية. التوحيد الطلبي. يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي لا تصرفوا العبادة أو شيئا منها لغير الله. دونك لا فوا إي لا دعوة للبروفيت عليه الصلاة والسلام ها دوني لامبورتونس إي سابوي إي دوني لامبورتونس إي أبوي فورتومون l'appel vers le monothéisme de l'adoration, vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. C'est le message et l'ordre qu'ont donné tous les prophètes à leur population. Ne donnez pas d'actes d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni n'associez pas dans vos actes d'adoration à Allah quelqu'un d'autre. وهذا هو السبب الأول الذي جعل الشيخ يركز على توحيد الألوهية. ولعل البعض يتخيل أن الشرك انتهى، ولكن عندما تمشي أنت في فرنسا وفي بلجيكا وفي أمريكا وفي سائر الدول الأوروبية والأمريكية ترى الأصنام منصوبة والتماثيل على الكنائس والمعابد وفوق القبور وأمام المطاعم الأسيوية ترى غدوات وأمامها البخور، وهذه الصور والتماثيل لا زالت تعبد من دون الله عز وجل في كل أنحاء الدنيا. فالذين يتصورون أن الشرك انتهى هؤلاء مغفلون، لا يعرفون لا الواقع ولا الشرع. فإن الله عز وجل سأسي la première des causes. C'est le premier point essentiel, la première cause essentielle pour laquelle Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala appuie fortement sur le monothéisme de l'adoration. Et pourtant, certains peuvent s'imaginent que l'associationnisme est terminé, qu'il n'y a plus d'associationnisme. Mais quand il marche toi en France, en Belgique, en Europe, aux États-Unis, partout, tu vois qu'il y a des statues qui sont élevées sur les constructions, sur les églises, sur les temples d'adoration, sur les tombes aussi. Et devant les restaurants asiatiques, tu vois plein de Bouddhas, devant lesquels il y a de l'encens. On leur met de l'encens devant. Et toutes ces images, toutes ces statues, s'adorent encore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers la planète. Ceux qui s'imaginent que l'associationnisme n'existe plus, qu'il est terminé, celui-là, ceux-là sont insensés. Ils ne connaissent ni la réalité, ni la législation. Ben, هؤلاء الكفار الذين يحكمون أوروبا وأمريكا وغيرها بزعم برغم أنهم يدعون أنهم ديمقراطيون وعلمانيون لكنهم متعلقون بهذه الأوتان وبهذه الأصنام وهذه الصور، بل كثير من حكام الدول المتقدمة بزعمهم تجدهم يعتقدون في الكهان والسحرة والمشعوذين وقراء الكف ويأتون بمن يقرأ لهم الكف، هل سينجحون في الانتخابات أم لا؟ فهذه الدول التي تسمي نفسها متحضرة ومتقدمة حكامها لا زالوا يعتقدون في هذه الأمور التي يدعي البعض أنه عدا عليها الزمان. Et ces mécréants frères en Allah Azza wa Jalla qui gouvernent l'Europe, l'Amérique et autres, malgré qu'ils prétendent qu'ils sont démocratiques, qu'ils sont laïcs, ils sont attachés à ces statuts, ils sont attachés à ces images. Beaucoup parmi ces gouverneurs de ces pays dits civilisés croient en le divin, croient en la sorcellerie, croient en ceux qui lisent les traits de la main, et au moment des élections, ils vont consulter les plus réputés parmi les sorciers, parmi les devins, pour voir s'ils vont réussir ou ils ne vont pas réussir leurs élections. Ces pays qu'on appelle les pays civilisés, leurs gouverneurs sont encore attachés à ces choses dont certains prétendent qu'ils n'existent plus. Au sebab al-thani, akh al-islam, alladhi ja'ala ash-shaykh yurakkizu 'ala tawhid al-uluhiyyah, huwa ja'alu katheer min al-muslimin bihi al-yawm. بل جعل كثير ممن يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام فأصبح الخلاف بين المسلمين ومسلمين في هذا الباب. Et le deuxième point pour lequel Cheikh Abdallah Ta'ala il appuie fortement sur ce monothéisme et il attire l'attention sur le monothéisme de l'adoration, c'est l'ignorance de beaucoup de musulmans de ce sujet. Et l'ignorance de beaucoup qui prétendent faire appeler vers l'islam. Et la situation, la divergence maintenant est devenue entre musulmans et musulmans à ce niveau-là et à ce sujet-là qui est le monothéisme de l'adoration. فالجهل بهذا الباب يؤدي إلى أمور خطيرة. خذ مثلا سيد قطب رحمه الله. نعم ندعو له بالرحمة لأن الخلاف بينه وبين أهل العلم الذين ردوا عليه وبينوا قوامه ليس خلافا شخصيا. فلو دفنت كتبه معه ما ذكره أهل العلم إلا يغفر الله له يرحمه الله. ولكن عندما يرى أهل العلم أن كتبه ملأت الدنيا. أن كتبه ملأت الدنيا الطبعة 20 الطبعة 40 الطبعة 30 الترجمات إلى اللغات الأخرى وما زالت هذه الكتب تطبع على ما فيها من طوام وتترجم على ما فيها من طوام والخلافات كبرى فهذا ما كان لأهل العلم أن يسكتوا عنه فالله عز وجل l'ignorance de ce sujet qui est le sujet du monothéisme de l'adoration et le fait de ne pas le maîtriser est une situation très dangereuse. Prenez un exemple comme Sayyid Qutb Rahimahullah. Bien sûr, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de ce saint miséricorde. Parce que la divergence qu'il y a entre Sayyid Qutb et les hommes de science qui lui ont fait des répliques et qui ont montré les catastrophes dans lesquelles est tombé cet homme, ce n'est pas une divergence personnelle. Ils n'ont pas de problème personnel avec Sayyid Qutb. Si ces livres étaient enterrés avec Sayyid Qutb, les hommes de science ne le récitaient qu'avec le terme « Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde ». Mais quand les hommes de science voient que les livres de Sayyid Qutb sont, si dit encore, l'édition 40, l'édition 35, ils se font traduire dans toutes les langues, avec toutes les catastrophes, et toutes les énormes erreurs dans les croyances qu'il y a dedans, et tous les garments qu'il y a dedans, les hommes de science n'ont pas à se taire. Ils n'avaient pas à se taire. Il fallait qu'ils montrent les erreurs qu'il avait cet homme, et qu'il y a dans les livres de cet homme. Fasayyid Qutb, kama bayyana dhalika ahlul ilm, yajhalu al-farq bayna tawhid ar-rububiyyah wa tawhid al-uluhiyyah. وزعم في ظلاله أن الرسل ما كان بينهم وبين أقوامهم خلاف في توحيد الألوهية. وصدق إمام السنة وحسدها الشيخ ناصر لما قال فيه إن هذا الرجل جاهل بالإسلام بفروعه وأصوله وقال عنه الشيخ ابن باز هذا رجل ضائع في التفسير وأنت تفهم الآن لماذا هؤلاء التكفيرون يكفرون الشيخ ناصر ويتهمون بالإرجاء ويكفرون الشيخ ابن باز وغيره من أئمة الدين وأنت ترى هؤلاء الخوارج المعاصرون من قطبية وصولية وتكفيرية يجعلون إماما ومجاهد ومجددا وشهيدا ورمزا من رموز الصحوة. سيد قطب خير الله عز وجل les hommes de science ont montré comme quoi cet homme il ignorait carrément la différence qu'il y a entre le monothéisme de l'adoration et le monothéisme de la souveraineté. Il a prétendu donc son interprétation du Coran Vilal que les prophètes n'avaient pas de problème avec leur peuple au niveau du monothéisme de l'adoration. Et il a dit vrai, l'imam de la sunna et le lion de la sunna de notre époque, qui est Cheikh Nasr, rahimahullah ta'ala, quand il a dit que c'est un homme qui ignore l'islam, les fondements de l'islam et les détails de l'islam. Comme il a dit de lui, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, c'est un homme qui vaut rien dans le tafsir. Tu comprends partant de là pourquoi ces tkfiris dans leur salon, ils rendent mécréants Cheikh Nasser, ils le traitent de manger, ils rendent mécréants et ils le traitent Mais traite Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et tu les vois, en contrepartie, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, que ce soit Sikhoutbi, Sidkfiri, Sissorori et autres qui suivent leur voie, ils font que Cheikh Khoutbi est un imam, est un rénovateur, est un emblème parmi les emblèmes de la, de l'éveil, soi-disant, islamique. فرجوعا إلى كتاب الشيخ حفظه الله تعالى ويقول قبل الله وفي معنى الآيتين من السنة قوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وقال تعالى عن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبرا على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب donc revenons au livre de Cheikh Rabbi Hafidhahullah Ta'ala il dit Hafidhahullah Ta'ala dans le même sens des deux versets qui sont passés dans la sunna on trouve voici dans le même sens des versets qui sont passés, leur équivalent est des hadiths qui vont dans leur sens. Il cite le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, qui dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis celui qui doit s'attribuer Isa ibn Maryam, dans ce monde et dans le delà. Je suis en priorité à m'attribuer Isa ibn Maryam, dans ce bas monde et dans le delà. Et les prophètes, ce sont des frères dont les mères sont différentes. Et leur religion est unique. Qu'est-ce que ça veut dire, les mères différentes? Ça veut dire que leurs législations sont différentes et leur religion est unique, c'est-à-dire le monothéisme, la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. Leurs mères différentes, leurs législations sont différentes. Leur religion est unique, c'est-à-dire le monothéisme. C'est la base de leur da'wah. Hein? Leurs législations sont différentes et leur religion est unique. C'est pour ça qu'il est dit dans notre verset, et à toutes et à chaque communauté, nous avons fait une législation et une voix. Et cher de le citer ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de des prophètes qui sont doués de fermes résolutions. Et il est dit dans le verset dans Surah Shura, il vous allégerait dans la religion ce qu'il a ordonné à nous et ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire à Mohammed alayhi salatu wassalam, et ce que nous avons ordonné à Ibrahim et à Moussa et à Isa. Accomplissez la religion. Il ne vous dévisez pas. Il est énorme pour les associateurs. Le monothéisme vers lequel tu les appelles. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'élève vers lui qui il veut, il guide qui il veut. Et guide celui qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la traduction approximative de ce verset dans Surah Shura, verset 13. Il dit le Cheikh Hafidhahullah ta'ala, Tilka hiya da'watu al-anbiya'i jami'an, wa ala aqsim ulul azmi minhum. الأنبياء الذين يبلغ تعدادهم 24,100,000 يسيرون في دعوة في منهج واحد وينطلقون من منطلق واحد وهو التوحيد أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الإنسانية جميعا في جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم وبلدانهم وأزمانهم وهنا هذا يشير الشيخ إلى في أسفله الورقة إلى حديث أبي ذر الذي أخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير والإمام أحمد وغيرهم وكذلك هناك طريق أخرى لهذا الحديث وفيها أن الرسل 313 رسول ذكرنا الله عز وجل الشيخ ربيع الدي ساسل دعوة للبخاري عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام tous ils ont appelé vers ce monothéisme. Et à leur tête, les cinq prophètes doués de ferme résolution qui sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il dit ces prophètes qui, dont leur nombre est 100 000 et 124 prophètes. 124 000 prophètes, hein, en se basant, comme il est cité en bas ici, sur un hadith d'Abu Dharr qui est rapporté par l'imam Bukhari dans Tariq al-Kabir. Et aussi, il y a un autre hadith qui n'est pas cité par Cheikh ici, mais auquel il fait allusion à la, en bas de la page, qui est rapporté par Imam Tarabarani, par Ibn Hibban, autre, dans lequel il dit que les prophètes, alayhi salatu wassalam, les messagers, alayhi salatu wassalam, sont au nombre de 313 prophètes, 313 messagers. Donc 124 000 prophètes dans un hadith, dans lequel il y a 313 messagers dans l'autre hadith. Et il dit que c'est tous ces prophètes, ce nombre énorme de prophètes, ont pris le même chemin dans leur da'wah, et la même voie. Ils ont commencé leur da'wah du même point. Leur point de départ est unique, le monothéisme, qui est le plus important des sujets, le plus important du principe qu'ils ont apporté, qu'ils ont transmis à l'humanité, et qu'ils ont transmis à toutes les générations de l'humanité. Hein? N'importe où soit leur lieu, n'importe où soit leur époque, n'importe où soit hein, leur région. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى مما يدل أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة الناس إلى الله وسنة من سننه التي رسمها لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم الصادقين لا يجوز تبديلها ولا العدول عنها. الشيخ ربيع لا تغير notre attention à la fin de ce paragraphe, il dit, et ça prouve que ça c'est la voie unique sur laquelle il faut marcher dans la da'wa. Quand on veut appeler les gens, on commence par le monothéisme. Et c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a tracé pour ses prophètes, alayhi salatu wassalam, et qu'il a ordonné à ses prophètes et à ceux qui les suivent, parmi les véridiques qui les suivent, et qu'il n'est pas permis de la changer, ni de changer de chemin. Il est ordonné d'aller sur le même chemin qu'eux, et de ne pas prendre une voie qui est en divergence avec eux. Il est dit dans le verset... قيل وان هذه امتكم امه واحده اي هان مله واحده دين واحد فدين الانبياء واحد هو التوحيد قيل كذلك لانه من معاني الامه في اللغه المله انا وجدنا اباءنا على امه اي على دين ومله donc il est dit dans le verset que Cheikh nous a cité, ça c'est votre communauté unique, ça c'est votre communauté, et il est une communauté unique, unifiée, ça veut dire que il est sur une religion unique, une seule religion qui est le monothéisme. Car la religion du prophète, alayhi salatu wassalam, il est unique, c'est le monothéisme. Il est dit, parce que la signification du terme umma en langue arabe, ça veut dire aussi la religion, et la voie dans la religion. Et il est dit dans l'autre verset, nous avons trouvé nos parents sur cette communauté, c'est-à-dire sur cette religion. Donc le terme communauté, enfin, il vient dans le verset, et ça veut dire la religion. فالانبياء كما قال الرسول الكريم إخوة العلات والأخوة لعلات أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. إذا الأنبياء كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام كالإخوة من الأب الواحد وأمهاتهم شتى, وهذا تمثيل بديع من الذي لا ينطق عن الهوى, وتشبيه الرائق ورائع من الذي من الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. Donc les prophètes d'Allah Azza wa Jal, comme il a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des frères de différentes mères. Et leur père, il est unique. Les prophètes, comme nous l'a décrit le prophète alayhi wa sallam, ils ont un père unique. Ils ont des mères différentes. Et ça, c'est un exemple extraordinaire que nous a fait celui qui ne parle pas de ses propres passions, celui qui est le véridique, qui n'a dit que la vérité. فالأنبياء فرعون الله عز وجل دينهم واحد هو التوحيد وشرائعهم تختلف الشرعة مختلفة لكن الدين واحد كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فرعون الله عز وجل للقفات لخوليسيون إليه يونيك لمنوثيسم من لغة لجيسلاسيون سون ديفيرونت. C'est pour ça que Rasul Allah Azzawajal nous a fait cette belle description et cette description extraordinaire. Différentes mères et un père unique. Le père unique ici, c'est la religion, c'est le monothéisme. Différentes mères, c'est la législation. Regardez, ces exemples que nous donne le véridique qui n'a dit que la vérité, pour nous faire comprendre que, et de là nous devons comprendre que la religion de tous les prophètes, il est unique, c'est le monothéisme. Et leurs législations sont différentes. Mais la religion, il est unique, qui est le monothéisme. Il est dit dans le verset, nous avons fait à chaque communauté une législation et une voix. فالأنبياء دينهم واحد دينهم التوحيد واحد لكن شرائعهم تختلف فموسى له شريعة وعيسى له شريعة ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام له شريعة ولكن الدين واحد وهو التوحيد وهو الإسلام وهو إخلاص العبادات لله سبحانه وتعالى وأن لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع donc le prophète le religion frère Allah عز وجل il est unique c'est le monothéisme il est unique mais leur législation sont différentes. Hein? La législation de Moussa, elle est différente de celle de Isa. La législation de Isa, elle est différente de celle de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mais la religion, elle est unique. C'est le monothéisme. C'est le fait d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans le monothéisme. C'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ne s'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne s'adore qu'avec ce qu'il a légiféré. Dans certaines législations, il y a des choses qui ont été interdites, qui ont été interdites à certains peuples qui ne sont licites maintenant à nous. Donc les législations sont différentes. ولذلك جاء عيسى بأشياء تخالف موسى. قال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهذا يبين لك اختلاف التشريع وأن عيسى جاء بأشياء كانت محرمة في شريعة موسى وكذلك نحن في شريعتنا حرمت علينا أشياء كانت حلالا لهم وأبيحت لنا أشياء كانت حراما عليهم وكانت أشياء مضيق عليهم فيها وسعت علينا ويسرت لنا وهذه الشريعة شريعة اليسر والتيسير في حد الشرع لا نخرج عن الشرع ونقول الدين يسر. Donc c'est pour ça, frère Allah, il a ramené des choses qui sont différentes. Il a ramené des choses, bien Allah, qui sont différentes de Moussa et de la législation de Moussa. Il a dit à Bani Israël, comme il est cité dans le Coran, pour vous faire licite certaines choses qui étaient auparavant illicites pour vous. Ça vous montre la divergence dans l'allée et les différences qu'il y a dans les législations. Moi, Isa a ramené des choses qui étaient illicites dans la législation de Moussa alayhi sallallahu alayhi wa sallam et qui sont devenus licites dans la législation de Isa alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il en est de même dans notre législation et dans la législation de notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a été interdit des choses qui étaient halal pour eux. Il nous a été permis des choses qui étaient haram pour eux. Il y a des choses dans lesquelles la situation était très serrée pour Banu Israël et nous, la situation est large dans ces situations. Il nous a été donné une largesse, une facilité, une aisance que Banu Israël n'avait pas. Et cette législation, la dernière des législations, qui est la législation que nous a transmis Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la législation de l'aisance et de la facilité. Mais l'aisance et la facilité dans la limite de la législation. Pas sortir de la législation et dire la religion c'est la facilité et l'aisance. Non, à l'islam. Ou le maqsoud du de l'islam, أن الشرائع تختلف لكن الدين واحد وهو التوحيد وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد et l'essentiel frère en Allah Azza wa Jal c'est que les législations sont différentes mais la religion qui est le monothéisme elle est unique et ça c'est la signification de la parole du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes ce sont des frères de mères différentes mais leur religion elle est unique. Leurs législations sont différentes, mais leur religion qui est le monothéisme, il est unique. دينهم التوحيد والأصل والركن الرفيع في هذا الدين والمهم أصول العقيدة واحدة أمهاتهم شتى تشريعاتهم تختلف وإن كانت تشترك في أشياء لكن كما قال ربنا عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فهذا دليل على أن دين الأنبياء واحد الْأَقِيمُ الدِّينَ وَهُوَ التَّوْحِيدُ وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَهَذَا كُلُّهُمْ مُشْتَرِكُونَ فِيهِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Donc la religion du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il C'est la base la plus importante. C'est la base la plus importante pour cette religion. Les fondements de l'Aqidah sont uniques. Leurs législations sont différentes, même si ils ont des points en commun au niveau des législations, mais leur législation est différente, mais leur base principale, il est unique, qui est le monothéisme. Il est dit dans le verset, et à toute communauté, nous avons fait une législation, une voie. Il est dit dans le verset, il vous a légiféré de la religion ce qu'il a ordonné à nous. Hein? Ça te prouve que la religion est unique, le monothéisme. Accomplissez la religion pour Allah, c'est-à-dire accomplissez le monothéisme. Et ça, c'est le monothéisme. C'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, dont le monothéisme et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les prophètes ont ce point en commun, ont appelé vers ce point en commun, qui est le fait de réserver nos cultes exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَّاكَ إِيَّاكَ أَخَ الْإِسْلَامِ أَنْ تُرَدِّدَ قَوْلَ بَعْدِ بِجَهَلَةِ الْأَدْيَانِ السَّمَاوِيَةِ لا يوجد إلا دين واحد يا أخي الإسلام لا يوجد دين جاء من الأعلى إلى الأسفل إلا دين التوحيد إلا الإسلام فالدين السماوي واحد الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة أما الأديان الأرضية فعدد ولا حرج وليست سماوية في très attention frère en islam ne répète pas la parole de certains ignorants les religions célestes certes il existe des religions mais ce ne sont pas des religions célestes, ce sont des religions de la terre créées par l'homme. Les religions célestes, il n'existe qu'une seule religion qui vient du ciel, une seule, qui est venue du haut vers le bas, c'est la religion du monothéisme, c'est la soumission à Allah, alors à la dans le monothéisme. La seule religion sunnite, céleste, c'est la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le monothéisme. C'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et d'oublier à Allah subhanahu wa ta'ala et de se conditionner pour Allah subhanahu wa ta'ala dans le monothéisme. Ça, c'est la seule religion et l'unique religion céleste. Quant aux religions de la tête, comptabilise. Il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas des religions célestes qui viennent du ciel. Yuqalu shara'i' samawiyya wa risalat samawiyya. Amma adyan fala. Qala azza wa jal inna ad-din 'inda Allah al-islam. فجميع الأنبياء دينهم التوحيد دينهم الإسلام فلا يصح أن ننسب إلى الله عز وجل أديانا وهذا خطأ يقع فيه كثير من المعاصرين on dit des législations célestes qui viennent du ciel vrai on dit des messages célestes des messages qui sont venus du ciel c'est vrai mais de dire des religions qui viennent du ciel non il dit dans le verset la religion chez Allah c'est l'islam Et tous les prophètes, alayhi salatu salam, leur religion, c'est le monothéisme. Donc leur religion, c'est l'islam. Donc, il n'est pas permis d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des religions. Et ça, c'est une fausse erreur, une grave erreur dans laquelle tombent même certains les intellectuels quand on pourra. Donc on dit des législations célestes, des messages célestes. Et on ne dit pas des religions célestes. La seule religion qui vient du ciel, c'est l'islam, c'est le monothéisme. Inna ad-din 'inda Allah al-islam. La religion, c'est Allah, c'est l'islam. Et cette erreur, les religions célestes, etc., c'est une énorme erreur dans laquelle tombent beaucoup de contemporains et beaucoup de têtes parmi les têtes d'Al-Ikhwa al-Muflisoun. فمن هنا تعلم أن طريق دعوة الأنبياء واحدة وسنة متفقة لا يجوز الانحراف عنها وهي أن يكون الانطلاق والبداية من التوحيد والأساس هو التوحيد إفراد الله بالعبادة Partons de là, frère en Allah, on sait. Et ça doit être irréfutable dans notre esprit. Il doit s'ancrer dans nos cœurs et dans notre esprit que la da'wah du prophète, alayhi salatu wasalam, il est unique. Et c'est une voie à l'unanimité qu'ils ont pris. Et qu'il ne faut pas dévier de cette voie. Et que notre point de départ dans cette voie du prophète, ça doit être le monothéisme, c'est la base des bases. C'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فالآن هذا سؤال مطروح. هذا الأصل الذي مكانته هي هذه في ما قيمته وما مكانته في الدعوة المعاصرة. إذا كانت قيمته عند الله هي هذه. ما مكانته في الدعوات المعاصرة؟ قدم هذا أيها الإخوان أم أخرى؟ الحاصل كما ترون أخرى وأهمل، لذلك فشلت هذه الدعوات وجرت الويلات على الأمة كما ترون، لأن هذا الأصل همش عندهم وسخر من أهله وحملته والدابين عنه، وهذه الجماعات تحارب هذا المنهج القائم على هذا الأصل، ويزعمون أنه يفرق الدعوة إلى التوحيد أيها الإخوة، تفرق عند هؤلاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. Cette base et ce pilier principal qui est cette importance de la religion d'Allah et dont la voix de la da'wah des prophètes, maintenant la question qui se pose, quelle place est a dans la da'wah des groupes contemporains? Est-ce que c'est ce pilier a été mis en avant ou on l'a mis en arrière, ou on l'a acculé en arrière et on l'a négligé? Il est évident, celui qui est doué de raison, il voit que dans ces groupes et dans la voix de la da'wah de ces groupes, hein, ce pilier principal qui est le fait d'appeler vers le monothéisme, vers le fait de réserver le culte, excusez-moi, Allah a été mis de côté, a été marginalisé. C'est pour ça que ces da'awats, ces groupes, ont ramené des catastrophes, comme vous le voyez devant vos yeux, à la communauté. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé ce fondement principal. Ils se sont moqués des gens qui portent le fardeau de propager et de défendre ce pilier principal et de le propager. Ces groupes combattent la voie qui s'accomplit sur ce fondement principal, l'appel au monothéisme. Et ils prétendent que le fait d'appeler vers le monothéisme divise. Ainsi ils prétendent. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La da'wa vers le monothéisme divise, ayyuha l'ikhwa, chez ces gens-là. فبالله عليكم هل سمعتم أن نبيا من الأنبياء جمع قومه ولا يخذف الحجارة؟ وهل سمع عن النبي أنه أضرب عن الطعام أو خرج في مظاهرة؟ نعم أضرب عن الطعام غاندي. وهل غاندي مسلم؟ نعم يخرج المئات والآلاف في مظاهرات، ولكن هل سمع عن النبي أنه عمل ثورة أو دعا إلى الخروج أو إلى المظاهرات أو إلى الخروج على الحكام؟ فالأنبياء إخوة الإسلام دعاة من التوحيد، وما سمع عن أحدهم أنه ترك قومه وذهب إلى المشارق والمغارب يدعو بعيدا عن قومه. وفهم الله عز وجل. Est-ce que vous avez entendu dans l'histoire d'un des prophètes qu'un prophète a réuni son peuple, il leur a dit venez, on prend la pierre, on la jette à l'ennemi? Est-ce qu'on a entendu d'un prophète qu'un prophète a fait la grève de la faim? Certes, Gandhi, qui était un associateur, a fait la grève de la faim. Mais aucun prophète ne l'a fait. Est-ce qu'on a entendu d'un prophète qu'il est sorti aux manifestations? Certes, beaucoup sortent aux manifestations. Mais est-ce qu'ils sont sur la voie du prophète? Par Allah que non. Est-ce qu'on a entendu dans l'histoire du prophète qu'un prophète a fait une révolution où il a appelé vers le fait de se révolter contre ses gouverneurs ou contre son gouverneur, ou appeler son peuple à se révolter contre son gouverneur? Alors Allah Azza wa Jal, les prophètes, ce sont des prêcheurs qui appellent vers le monothéisme. Et on n'a jamais entendu non plus qu'un prophète a laissé son peuple et il est parti faire le globe-trotters, à faire da'wah à l'est et à l'ouest de la terre, et à faire le globe-trotters. Jamais. Les prophètes ont accompli leur da'wah dans leur peuple. إخوة الإسلام الأنبياء كما قرر الشيخ في هذا الفصل دعوتهم واحدة وشرائعهم تختلف، ودعوتهم دعوة إلى التوحيد، توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى وإفراده بها عز وجل. خلنا الله عز وجل للبروفيت الله عز وجل كم لو كونفيرم الشيخ ici dans ce chapitre leur دعوة il est unique. C'est la دعوة vers le monothéisme. Leurs législations sont différentes. Mais leur دعوة il est unique, ils appellent vers le monothéisme. Vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. ومن هنا نفهم لماذا ركز الشيخ ربيع على توحيد الألوهية. وهذه سنة أهل العلم القدماء والمعاصرين الناهجين نهج الأنبياء، لأن هذا هو الذي اهتم به الرسل لأنه أصل الصراع بينهم وبين أقوامهم. وثانيا كما مرة يجهل اليوم كثير من المسلمين وبخاصة الفئة التي تزعم لنفسها التقافة وتزعم وتسعم. Partant de là, frère en Allah Azza wa Jal, on sait pourquoi son éminent Cheikh Rabel a donné l'importance au monothéisme de l'adoration. Car ça, c'est la sunna, disons, de science, les anciens et les contemporains qui suivent la voie des prophètes alayhi wa sallam et qui suivent la voie de leur cousin Abdullah alayhi. Parce que c'est la chose à laquelle ont donné les messagers de Allah subhanahu wa ta'ala le plus d'importance. Car c'est le point sur lequel il y a eu les litiges entre les prophètes alayhi wa sallam et leur peuple. Et comme il est passé avec nous, parce que aussi c'est un sujet que beaucoup de musulmans ignorent, et en particulier ceux qui prétendent, les intellectuels de cette communauté, et qui prétendent connaître et connaître, et qui prétendent des choses. وفي هذا الفصل بين لنا الشيخ بوضوح أنه لم يشد نبي واحد عن هذا المنهج. Et dans ce chapitre, frère en Allah Azza wa Jal, Cheikh nous a montré clairement qu'aucun prophète n'a été marginal par rapport à la loi du monothéisme. Que tous ils étaient sur la même voie. Aucun prophète n'a dévié de cette voie. Salawat wa rabbi wa salamu alayhi. فدعوة الأنبياء دعوة التوحيد أيها الإخوة. وهو الذي قام عليه الصراع مع أقوامهم. وليس فيه قضايا أخرى. وإن حصل كلام في مواضع أخرى فكانت من أجل تحقيق توحيد الألوهية. Même Allah Azza wa Jal, dans ce chapitre, le Cheikh nous a montré que la da'wa du prophète, c'est la da'wa vers le monothéisme. Que c'est le monothéisme sur lequel s'est accompli la da'wa du prophète. Et c'est le point de litige entre eux et leur peuple, qu'ils n'avaient pas d'autres problèmes que ça. Même s'ils ont parlé d'autres sujets, mais c'est pour accomplir ce point essentiel qui est le monothéisme de l'adoration. أمرهم قوامهم بعدم إتيان الذكران من العالمين أمرهم بالإيفاء بالميزان أمرهم بتحكيم شرع الله كل هذه من حقوق التوحيد ومكملاته فلا نزاع بين الأنبياء وقومهم إلا من أجل توحيد الألوهية وتحقيقه والتوحيد مراده أيها الإخوة توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة هنا الله عز وجل فاتك سيختان بروفاتكم لوط عليه الصلاة والسلام أ أردني à son peuple de ne pas commettre l'acte de ne pas sodomiser les hommes, et le fait que certains peuples ont ordonné à leur peuple d'être équitables quand ils pèsent et quand ils utilisent les balances, et quand certains ont ordonné à leur peuple de juger avec les lois de Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces ordres venant des prophètes alayhi salatu wassalam, ce ne sont que des droits du monothéisme. Et ce ne sont que des choses et des actes qui vont compléter le monothéisme. Donc il n'y a pas eu de litige entre les prophètes alayhi salatu wassalam et entre leur peuple que pour le monothéisme. Et pour l'accomplissement du monothéisme qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'atina faslu al-rabih wa huwa namadij li da'wati ba'd al-rusul. Et maintenant, avec le quatrième chapitre qui est le titre est certains exemples. Certains exemples de la da'wah de certains prophètes alayhi salatu wassalam. Des exemples parmi les da'wah des prophètes alayhi salatu wassalam. فهذا الفصل عقده الشيخ لكي يبين لنا بوضوح من هؤلاء الأخيار وأن الأصل في دعوتهم أنهم ينطلقون من هذا الأصل العظيم وهو الدعوة إلى التوحيد ومن خلال ما سيعرضه لنا من نماذج الأنبياء سيتبين لنا بوضوح عوار من خالف منهج الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. Ce chapitre, ce paragraphe, frère en Allah Azza wa Jal, le Cheikh, il le met ici pour nous montrer et pour nous éclairer sur la voie de ces nobles, de ces îles, min Allah Azza wa Jal, qui sont les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la base de leur da'wah et le point de leur départ, c'est le fondement principal, c'est le fait d'appeler vers le monothéisme. Et en partant de ce que va nous exposer Cheikh, et les exemples qu'il va nous montrer, et les exemples qu'il va nous donner parmi les prophètes, il va nous apparaître clairement l'erreur, les erreurs dans laquelle sont ces groupes qui sont en divergence avec les prophètes alayhi salatu wassalam dans leur voie de da'wah. يقول حمده الله تعالى ثم إن الله تعالى ثم إن الله تعالى قد أخبر عن بعض أفراد الأنبياء العظام كيف واجهوا أقوامهم، وإذا بهم يسيرون في الخط العام الذي رسمه الله لهم، وإذا بهم في المنهج الذي قرره الله لجميعهم لا تند عنه دعوة أحدهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. كل دي حفظ الله تعالى ودي بيد سبحانه الله سبحانه وتعالى نزام ونصي سيختن دو سيختن noble message alayhi sallatou salam et prophète alayhi sallatou salam, ce qu'ils ont enduré et ce qu'ils ont rencontré avec leur peuple, et comme quoi ces messagers ont pris la même ligne droite, la même ligne qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a tracée. Ils sont sur la même voie, la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée pour tous, et aucun d'eux ne s'est marginalisé, n'est sorti de cette voie-là. Tous, ils étaient sur cette même voie. Malgré ce qu'ils ont subi, malgré ce qu'ils ont enduré, ils ont patienté sur cette voie-là qu'il fait appeler vers le monothéisme. Il est dit dans le verset, dans Sourate Hud, « Walaqad, nous avons envoyé Nuh à son peuple. » Qu'est-ce qu'il a dit à son peuple ?« Je suis un avertisseur clair pour vous. » Que vous n'adoriez qu'Allah. Il les a appelés vers quoi ? Vers la ilaha illallah. Il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Que vous n'adoriez qu'Allah. J'ai peur pour vous le jour du grand châtiment. Il les a avertis. Il leur a annoncé. Et son peuple ont dit, ceux qui ont mécru parmi le peuple de Nuh, nous voyons que tu n'es qu'un être humain comme nous. Et nous voyons que ce ne sont que les villes qui n'ont aucun rang social. Ils sont au plus bas de la société qui t'ont suivi sans réfléchir. Vous n'avez aucun bien sur nous, aucune vertu par rapport à nous. Et nous croyons que vous êtes des menteurs. Regardez. À la fin, ça s'est terminé comment ? En démontant, en reprenant comme menteur le message d'Allah Azza wa Jalla. Et nous croyons que vous êtes des menteurs. Il les a appelés vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont moqués d'eux. Ils se sont moqués de leur prophète et de ceux qui l'ont suivi. Et à la fin, ils ont rendu comme menteurs leur prophète alayhi sallatou salam. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Afala tattaqun? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده يستنكرون التوحيد أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين يتحدون نبي الله عز وجل قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابرا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Voici encore dans Sourate Al-A'raf verset 65 à verset 72 où il est dit, Had, au peuple de Had, a été envoyé leur frère Houd. Il leur a dit quoi ? Adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré. Préservez le droit d'Allah, Azza wa Jal. C'est le seul que vous devez adorer. Et le peuple parmi ceux qui ont mécru, et les gens parmi son peuple qui ont mécru, nous voyons que tu es un insensé. Et nous croyons que tu n'es qu'un menteur. Et il leur a dit, Je ne suis pas insensé, mais je suis le messager d'Allah, je suis le messager de votre souverain, du souverain des mondes. Je vous transmets le message de votre souverain, le message de mon souverain, et je suis un conseiller digne de confiance pour vous. Vous vous étonnez qu'il vous est arrivé un rappel de votre souverain par l'intermédiaire d'un homme qui est de vous, qui est de la même tribu de vous, pour vous avertir. Et rappelez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait des remplaçants au peuple de Nuh et il vous a donné plus de puissance. Et rappelez-vous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être vous allez réussir. Si vous vous rappelez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez réussir. Ils lui ont dit, est-ce que tu es venu pour nous ordonner d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Ils s'étonnent. Le fait que Hud les appelle à adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser ce qu'adoraient nos parents, ramène ce que tu nous promets comme châtiment, si tu es véridique. Là, ils sont en train de défier le prophète d'Allah. Ramène ce que tu nous promets. Ramène les avertissements que tu nous donnes, si tu es véridique. C'est un défi qu'ils envoient au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit, le mal est tombé sur vous. Et la colère d'Allah est tombée sur vous. Vous polémiquez avec moi sur des noms que vous avez donnés vous-même ainsi que vos parents. Vous n'avez aucune preuve. Attendez avec moi. J'attends avec vous. Attendez, j'attends avec vous. Et Allah l'a sauvé. Il a couvert de ses saintes miséricordes ainsi que ceux qui ont cru avec lui. Et Allah a châtié son peuple. Frère Khouata l'Islam, Anbiya Allah. كلهم اشتغلوا بالدعوة واهتموا بأهم الأمور وأصلها ألا هو الدعوة إلى التوحيد ولم يكونوا أصحاب دعوات سياسية فخيرنا الله عز وجل tous les prophètes d'Allah عز وجل se sont occupés de la da'wa et se sont occupés de la chose la plus importante dans la da'wa qui est le fait d'appeler vers le monothéisme et jamais ils étaient des gens de la politique et des politiciens. ما كان أنبياء الله أصحاب دعوات سياسية كما يريد هؤلاء الحزبيون الحركيون في هذا الزمان وهنا أمر يغفل عنه كثير من الناس وهو أن الرسل كلهم اشتغلوا بالدعوة إلى التوحيد ولم يرفع كل الرسل السيف بل لم يرفعوا إلا القليل منهم les prophètes d'Allah عز وجل n'étaient pas des gens qui appellent vers la politique frère d'Allah عز وجل comme veulent le faire croire ces hizbis, ces activistes à notre époque. Et là, il y a un point essentiel que beaucoup ne connaissent pas, ils n'ont pas à l'esprit. C'est que tous les messagers alayhi salatu wassalam se sont occupés de la da'wa vers le monothéisme. Et pas tous ont levé les armes et ont combattu, sauf peu parmi eux qui ont levé les armes et qui ont combattu. Mais tous, ils ont appelé vers le monothéisme. Tous ont fait da'wa. وَهَذَا يُوَا الْإِخْوَا تَنَبَّهُ لَهُ جَيْدًا يؤكد لنا أمرا مهما أن الدعوة هي الأصل والسيف لا ترفع إلا من أجل نصرة الدعوة وكلكم إن شاء الله يحفظ أو على الأقل سمع حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فالكلمة هي الغاية من القتال والأصل في دعوة الأنبياء والرسل الكلمة والقتال إنما هو لنصرة الكلمة ومن هنا نعلم أن القتال وسيلة وليس غاية ولكن القتال غاية الأوغاد والوحوش كما هو الحال في غزة من قبل اليهود عليهم ما يستحقون من الله صلى الله سبحانه وتعالى نجمد الدماء في عروقهم. Et frère en Allah Azza wa Jal, faites très attention. C'est un point très, très essentiel. Dawa, c'est la base. Et c'est le pilier principal dans la voie du prophète Allah Azza wa Jal. Quant à l'épée aux armes, on les élève tout simplement. Les armes sont utilisées pour faire triompher Dawa. Et tous, Inch'Allah, vous avez mémorisé ce hadith, ou au moins vous avez entendu parler de la traduction de ce hadith. Où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui combat pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute, c'est celui-là qui est fi sabilillah. C'est-à-dire que c'est celui-là qui meurt sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la parole, c'est le but du combat. Et la parole, c'est le but du combat et c'est la base des bases dans la da'wah du prophète alayhi sallam. La base des bases dans la da'wah du prophète alayhi sallam, c'est la parole. Pour transmettre le message, adorer Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Ça, c'est le but. Le combat, c'est pour faire triompher cette phrase, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et partant de là, on sait que le combat est un moyen, il n'est pas un but en soi. Le combat est un but en soi pour les barbares et pour hein, les sévères et les barbares, comme ce qu'on voit actuellement sur Gaza, ce que font les juifs à Gaza. Hein. Ça, ce sont des actes de barbarie et des actes de barbares que Allah subhanahu wa ta'ala coagule le sang dans les veines des juifs et de leurs alliés. Ayyuha al-ikhwa, al-jihadu bis-sayf wasilatan 'indama yaqifu ahlul batil fi wajhi al-haq wa yamna'una intishar al-haq yurfa'u as-sayf likay takuna kalimatullah hiya al-'ulya bi shurutihi wa dawabitihi as-sha'iyah wa tahta ra'ayati imamin fal-amru laysa fawdawiyan. Ana Allah azza wa jalla, le combat avec les armes est un moyen. Quand les gens du mal s'arrêtent devant la vérité et quand ils interdisent la propagation de la vérité, à ce moment-là, les armes sont levées pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala prenne le dessus, soit la plus haute. Mais les armes sont levées avec leurs conditions, avec des conditions qui émanent de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur le drapeau, sur les ordres d'un imam. Donc la situation n'est pas au paganisme. À n'importe qui sort et qui prend les armes. Là, il y a l'islam. Il faut un imam, il faut un drapeau, il faut que tout soit géré par la législation et non pas par les sentiments. فلنعلم إخوة الإسلام أن كل أنبياء الله ورسله اشتغلوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. بعضهم كموسى ومحمد استجاب لهم كثير من الناس. فأكبر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتليها أمة موسى عليه الصلاة والسلام. هذه أكبر الأمم عددا. لكن بعض الأنبياء لم يستجب لهم إلا ثلاثة أو أربعة أو تسعة نفر. وبعضهم لم يستجب له إلا رجل أو رجلا وبعضهم لم يستجب لهم أحد. Il faut qu'on sache qu'on a Allah Azza wa Jal, que les prophètes d'Allah Azza wa Jal, les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala se sont occupés de la da'wah vers le monothéisme. Ils se sont occupés à interdire et à ordonner à leur peuple de ne pas tomber dans l'associationnisme. Certains prophètes, certains messagers comme Moussa et comme Muhammad alayhi salam, beaucoup de gens leur ont répondu. La plus grande des communautés est dans la communauté de Mohammed alayhi salatu salam. Et la suite derrière, la communauté de Moussa alayhi salatu salam. Ça, ce sont les plus grandes communautés au niveau du monde, des nombres. Mais certains prophètes, il y a trois personnes qui ont répondu à leur da'wah, ou quatre personnes, ou neuf. Certains, peut-être un seul homme leur a répondu, ou deux hommes. Et certains, aucun homme leur a répondu. فبمفهوم هؤلاء الحزبيين الحركيين السياسيين هؤلاء الأنبياء فشلوا في دعوتهم فشلوا في دعوتهم لكن في ميزان الله هذا النبي قد أدى الذي عليه وإن لم يستجب له أحد فالأنبياء أذكى الناس وأعقلهم وأحكمهم وَعَرَفُوا النَّاسِ بِاللَّهِ وَبِدِينِهِ وَعَرَفُوا النَّاسِ بِالْحَقِّ وَعَرْحَمُوا النَّاسِ بِالْخَلْقِ. Donc, partant de là, et selon la compréhension des Hizbi et des activistes et des politiciens, ces prophètes auxquels personne n'a répondu n'ont pas réussi dans leur da'wah. Mais, dans la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces prophètes ont rompu leur devoir. Nous attestons qu'ils ont rompu leur devoir comme il se doit. Même si personne ne leur a répondu, ne les a suivis. Car les prophètes sont doués d'intelligence. Ils sont les humains les plus intelligents. Et les plus doués de raison. Et les plus sages. Et qui connaissent mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui connaissent mieux la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui connaissent mieux la vérité. Et qui ont de la clémence pour les gens. فَهَوْلَا الْأَنْبِيَا الذين لم يستجب لهم أحد دعوا أقوامهم إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك ولو لم يستجب لهم أحد قاموا بأمتهم. Ces prophètes عليهم الصلاة والسلام que personne n'a répondu. Ils ont appelé leur peuple vers le monothéisme. Ils ont interdit à leur peuple l'associationnisme. Même si personne ne leur a répondu, n'a répondu à leur dawa, ils ont accompli leur devoir. Le devoir qui était le leur, ils l'ont fait, comme il se doit. بما أنه لم يستجب لهم أحد هل بدلوا طريقتهم ومنهجهم من أجل دعوة الناس كما يفعل من حولنا سياحة في الأرض أناشيد مسرحيات لأجل الدعوة صرف كل الدماء لا maintenant la question qui se pose à nous ces prophètes à qui personne n'a répondu et personne n'a suivi est-ce qu'ils ont changé la voie de leur dawa pour appeler les gens est-ce qu'ils ont créé innové une autre voie pour que les gens puissent les suivre, confond ceux qui sont autour de nous. Certains ont créé le tourisme sur Terre, d'autres l'anachid, d'autres des pièces de théâtre, d'autres font couler le sang pour, soi-disant, pour Dawa et ainsi de suite. Regardez ces prophètes, ils n'ont rien changé. Rasulullah, baqaw ala manhajihim wa lam yughayyiru shay'an. عملا بقوله عز وجل إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إنما أنت منذر فهذه وظيفة الرسل الدعوة والإنذار وكما مر إذا رفع السيف فلكي تكون كلمة الله هي العليا ومن أجل أن تكون الدعوة هي العليا donc les prophètes d'Allah عز وجل sont restés sur la même voie ils ont rien changé. Ils mettaient en application la parole de Allah. Certes, il ne t'appartient que la transmission. C'est l'un des comptes, c'est Allah qui les fera. Il ne t'appartient que la transmission. Ils ont transmis comme il se doit. Et en mettant en application la parole de Allah qui dit, rappelle, tu n'es que quelqu'un qui rappelle. Tu n'as pas de pouvoir sur eux. Certes, tu n'es qu'un avertisseur. Certes, tu n'es qu'un annonciateur. Ça, c'est la fonction du prophète Alayhi Sallam. La da'wa ila Allah. La transmission. Et comme il est passé avec nous, les armes, quand les armes doivent être sorties, doivent être utilisées, c'est pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Et pour que la da'wa soit la plus haute. فالجهاد كما يقول أهل العلم بالسيف وسيلة. ولذلك قسمه أهل العلم إلى أقسام جهاد بالكلمة. وجهاد بالسيف ويقولون الجهاد بالكلمة هو الأصل لأن الجهاد بالسيف إنما يكون لنصرة الأول وكل الأنبياء والرسل جاهدوا بالكلمة ولم يجاهد كلهم بالسيف لأن الأصل أن تكون كلمة الله هي العليا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فالكلمة هي المرادة من القتال Le combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, le combat avec les armes, frère Allah azza wa jalla, il faut savoir que c'est un moyen. Ce n'est pas un but en soi. C'est pour ça que les hommes de science l'ont divisé en deux. Le combat avec la parole et le combat avec les armes. Et ils disent que le combat avec la parole, c'est la base. Et c'est le pilier principal. Car le combat avec les armes, c'est pour faire triompher le premier. C'est pour faire triompher la parole. C'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré. Et tous les prophètes et tous les messagers ont fait le combat avec la parole. Et tous n'ont pas fait le combat avec les armes. Car la base du combat, c'est que la parole d'Allah soit la plus haute. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah ». Donc la parole, c'est elle qui est venue du combat. Le but du combat, c'est la parole. Ce n'est pas le son du croix de l'islam. C'est pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. فدعوات الأنبياء هي التوحيد والنهي عن الشرك فكان تركيزهم بالخصوص على توحيد الألوهية. La da'wa des prophètes عليه السلام, c'est le monothéisme, frère en Allah Azza wa Jal. Et c'est le fait d'interdire l'associationnisme. C'est pour ça qu'il appuyait fortement sur le monothéisme principal, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فمعظم أقوام الرسل ما كان عنده مشكلة في توحيد الربوبية أبو لهب وأبو جهل لو قيل له تعالوا الله خلقنا الله رزقنا قالوا أهلا وسهلا لا قلت له الله خالقنا والله رزقنا تعال يا أبا لهب اخرج معنا لخرج معنا بدون إشكال فهو يؤمن بأن الله خلقه ويرزقه دونك لا ماجوريتي دي بوبل du message alayhi wa sallam, n'avait pas de problème dans la souveraineté, dans le monothéisme de la souveraineté. Prenez par exemple Abu Lahab et Abu Jahl. Si on dit Abu Lahab et Abu Jahl, venez avec nous, Allah il nous a créé, Allah il nous donne la subsistance, ils vont dire venez, bienvenue. Si tu leur dis, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la subsistance, ya Abu Lahab, viens, sors avec nous, va sortir sans problème. Car il croit que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la subsistance. Lakin, ya Abu Lahab, ibudillah alladhi khalaqaka wa razaqaka. ما لك من معبود بحق سوى هنا تقوم ثورة أبو لهب لما؟ لأن المشكلة في إفراد الله بالعبادة ليس في الربوبية يا أبا لهب لا تدعو إلى الله لا أنا أدعو الله والعزة ومنات وهبل يا أبا لهب لا تذبح إلى الله فهنا لا يرضى وتقوم قائمته أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وانطلق الملك منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد maintenant on dit Abu Lahab réserve le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé qui t'a donné la subsistance tu n'as d'autre digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala là maintenant la révolution de d'Abu Lahab et le sang va bouillonner en Abu Lahab car le problème qu'il a Abu Lahab et les associateurs, c'est dans le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas dans la souveraineté, dans le monothéisme de la souveraineté. Ya Abu Lahab, ne demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab tu dis non, je demande à Allah, je demande à l'Ulsa, je demande à Hubal, je demande à Manat. Ya Abu Lahab, n'égorge pas pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il ne va pas accepter, il n'agréera pas. Et là, sa révolution va commencer. Et comme ils ont dit au prophète dans le verset que Allah nous a cité, est-ce qu'il a fait que les divinités soient une seule divinité? Ceci est une situation extraordinaire. Nous n'avons pas entendu ceci dans les autres religions et dans les voies qui sont passées. Ceci est une création de toutes pièces. Et ils sont partis, ils ont dit, patientez, endurez pour votre divinité. Ceci est quelque chose qui est voulu. Fermons ce qu'il a dit au prophète de l'islam. مع أقوام الرسول كانت في توحيد الألوهية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولو قيل لهم اعتقدوا أن الله هو الخالق وهو الرازق لن يكون هنالك مشكل قال عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فالمشركون يعرفون أن الله خلقهم وأنه هو الذي يرزقهم ويعرفون أن الله هو الذي يدبر الأمر في السماوات وفي الأرض ولكنهم يجعلون له أندادا في العبادة والغرم قبلان entre les peuples et leurs messagers était dans le monothéisme de l'adoration. Adorer Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Si il leur a été dit, croyez qu'Allah, c'est lui qui vous a créé, qui vous donne la vie existence, il n'y aurait aucun problème entre eux, les prophètes et leur peuple. Car il est dit dans le verset, si tu leur demandes qui vous a créé, ils vont dire c'est Allah. Les associateurs savent que Allah, subhanahu wa ta'ala, les a créés, et que c'est lui qui leur donne leur subsistance. Ils savaient que Allah, c'est lui qui gère les situations des cieux et de la terre, mais ils lui font des associés et des équivalents dans l'adoration. Fasma, wa laqad arsalna nuhan ila qawmi inni lakum nadhirun mubin. Alla ta'budu illa Allah. Bima tabada abarakallahu fikum. Alaysa yad'uhum ila at-tawhid. Fasma' li jawab qawmi. وما نراك اتبعك الى الذين هم اراجلنا بادي الله يعني اتبعوك بدون نظر وبدون تامر كانهم يقولون ان عقولهم ضعيفه هكذا يتهمونهم والنتيجه تكذيب لنبي الله سبحانه وتعالى بل نظنكم كاذبين écoute maintenant frère Allah عز وجل nous avons envoyé Nuh à son peuple je suis un avertisseur un annonciateur clair pour vous n'adorez qu'Allah. Avec quoi il a commencé, que Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse, il a commencé le fait de les appeler vers le monothéisme, n'adorez qu'Allah. Écoutez maintenant la réponse de son peuple. Nous voyons que ceux qui t'ont suivi, ce sont les villes parmi nous, et qui sont insensés. Ils t'ont suivi sans réfléchir, comme s'ils disaient, ils n'ont pas de raison, leur raison est faible, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Donc, ainsi ils les accusaient. Et le résultat c'est quoi? Ils ont pris comme menteur le messager de Allah Azza wa Jal. Et nous croyons que vous êtes des menteurs. Wa hud qala li qawmi ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr fa hadhihi da'watun ila ibadati Allah wahda wa hadha huwa ma'na la ilaha illa Allah ibadatu Allah wahda wa nafyuha 'amma siwa wa at-tawhid إثبات ونفي، نفي العبادة عما سوى الله في كلمة لا إله إلا الله، وإثباتها لله عز وجل في قولنا إلا الله. وإذن السيد الذي أصنع بابل أو بابل adorer Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Ça, c'est une da'wa vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la signification de la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah. Adorer Allah seulement, et nier tout ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Confirmer l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié, il a nié tout ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. L'affirmation et la négation, non la ilaha illallah. Réserver le culte à Allah, et ne donner aucun culte à quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Affirmer le culte pour Allah exclusivement, et le nier pour tout ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que nous disons dans notre tous les jours. La ilaha illallah, et digne d'être adoré que Allah subhanahu wa ta'ala. Fal muwahhid al-haq, ikhwat al-islam, yunfi wa yuthbit. Donc l'unificateur, le monothéisme véridique, le monothéisme véridique, il fait la négation et l'affirmation. أما الذي ينفي ولا يثبت فهذا الملحد. Quant à celui qui fait la négation et qui ne fait pas l'affirmation, ça c'est le haqqi. Il nie qu'il n'y a pas de divinité. Et il confirme, hein, pas de divinité, c'est un haqqi. وأما الذي يثبت ولا ينفي فهذا الملحد. Quant à celui qui confirme, qui affirme qu'il ne fait pas la négation, ça c'est l'associateur. Il affirme l'adoration à Allah, il ne la nie pas pour les autres, donc c'est l'associateur. وقوله عز وجل لا تعبدوا إلا الله هذه هي لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي من أجلها خلقت السماوات والأرض ومن أجلها خلقت الجنة والنار ومن أجلها توضع الموازين يوم القيامة ومن أجلها كان الحساب والجزاء وعنها يسأل الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين هنا الله عز وجل إيه لا تعرض الله سبحانه وتعالى الأطيب نوح عليه الصلاة والسلام إن أدرك الله. Ça, c'est la signification de la ilaha illallah, la parole du monothéisme, pour laquelle les cieux et la terre ont été créés, et pour laquelle a été créé le paradis et l'enfer, et pour laquelle vont être dressées les balances le jour de la résurrection, pour laquelle il y aura la récompense et le châtiment, et pour laquelle les premiers et les derniers vont être questionnés. Qu'est-ce que vous adorez? Et qu'est-ce que vous adorez? Et qu'est-ce que vous avez répondu au messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam? فمن أجل كلمة التوحيد بعث الله الأنبياء وبها بدأوا وعليها ماتوا فاسمع لاعتراف المشركين أجئتنا لنعبد الله وحده يعرفون لأي شيء يدعو الأنبياء ونذر ما كان يعبد آباؤنا فهذه جملة على سبيل الإنكار فأتنا بما تعدنا وهذا تحدي لنبي الله سبحانه وتعالى. Donc c'est pour cette parole sublime, pour la ilaha illallah, pour la parole du monothéisme que Allah a envoyé les messagers. Et c'est pour cette parole qu'ils ont mouru. Ils ont sacrifié leur vie pour cette parole, pour que nous savons que Allah. Et maintenant, écoute comment les monothéistes, les associateurs reconnaissent. Ils disent à leurs messagers, est-ce que tu es venu pour qu'on adore Allah uniquement? Ils savaient vers quoi les prophètes les appelaient vers le monothéisme. Est-ce que tu es venu pour qu'on réserve le culte exclusivement à Allah? Ils savaient vers quoi appellent les prophètes alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'on délaisse qu'adorer le parent? Et ça, cette parole, c'est une parole qui est ici pour rejeter et pour ne pas reconnaître la da'wah du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, donne-nous, ramène-nous ce que tu nous promets, les avertissements que tu nous fais. Et ça, c'est un défi qu'ils font au prophète d'Allah Azza wa Jal. فَأَنْ تَسْمَعْتَ لِجِدَالِ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَائِي سَمْلَيْتُمُهَا أَكِمُ وَأَبَاؤُكُمْ جِدَالٌ فِي الْأَصْنَامِ جِدَالٌ عَنِ الشِّرْكِ وَهَذَا مِحْوَرُ الدَّعْوَةِ فَانْتَظِرُوا وَعِيدِ. Voyez, tu as entendu leur polémique. Vous, polémiquez avec moi sur des noms que vous vous avez donnés. Vous-même, ainsi que vos parents, vous n'avez aucune preuve. Donc une polémique autour de quoi? Autour des statuts. Une polémique autour de l'association. Et ça, c'est le pivot autour de laquelle tourne Dawa, appel des prophètes alayhi sallam vers le monothéisme et interdiction de l'associationnisme et la polémique a été autour de ce sujet-là entre les prophètes alayhi salatu wassalam et leur messager alayhi salatu wassalam. Et ce sera notre point. Là, on va arrêter pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khair.